Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de patinage de vitesse sur courte-piste. C'était les championnats canadiens de patinage de vitesse qui se déroulent en fin de semaine. On parle avec David Simard. Salut David. Salut, ça va bien? Ça va bien. David, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine au championnat de l'Est du Québec de patinage de vitesse? Donc, c'est un championnat national. C'était le championnat qui est séparé par deux secteurs. L'Est du Canada et l'Est et l'Ouest, qui est en Britannique, qui étaient les compétitions. Donc, nous, on était à Calbleton, au Nouveau-Brunswick. Mm. Donc, une belle petite aréna. On avait plusieurs patineurs de la région qui représentaient. Donc, environ un par catégorie. Excusez-moi. On avait les catégories 12 ans, allait jusqu'à 15 ans. Donc, on avait 5 patineurs qui s'étaient préqualifiés lors des championnats québécois la dernière fois. OK. Donc, comment ça s'est passé, oui? Très bien passé. En fait, on a parmi les meilleurs résultats là, qu'au Québec. Là. On sait que le Québec, c'est une force dans l'Est du Canada. Quoique l'Est, c'est un petit peu plus fort que l'Ouest, parce que c'est de l'Ontario, qui a quand même plusieurs patineurs, et le Nouveau-Brunswick. Donc, okay. Nous, on a quand même eu plusieurs médailles. OK. Donc, dans la catégorie 12 ans, on a eu une troisième position cumulative avec une médaille d'argent au 400 mètres. Une médaille de bronze au 200 mètres. Aurélie, c'est une petite fille de native de Chicoutimi. Dans la catégorie 13 ans, on a eu une très belle performance encore. Une petite fille d'Alma, Anaï Lapointe. Sixième au cumulatif, quand même troisième place au 400 mètres. Elle a eu une chute en demi-finale, je crois, et ça lui a pas permis de participer à la finale. Donc, c'est pour ça son sixième reste. Sinon, je pense que ta carrière était un petit peu mieux. Là, du côté garçon, une cinquième position aussi. Une deuxième place du côté 2000 mètres, troisième 1500 mètres. C'est fait une quatrième place au cumulatif, donc Jules Blackburn. Et la catégorie que nous, qui va nous intéresser dans ton coin, on a dans la catégorie 14 ans. Okay. Alexandre Simard, un petit gars de Saint-Pucin, qu'on a déjà parlé quand même plusieurs fois cette année. On a déjà parlé au début de l'année qu'il était en grosse progression et qu'il performait bien. Mais c'est ses meilleurs résultats présentement au niveau canadien. Sa première participation, je trouve que c'est super intéressant. Il a réussi à avoir le quatrième au cumulatif. Sauf que lui, c'est un grand sprinteur. Il a gagné la médaille d'or au Jeux du Québec aussi, dans cette distance-là. Donc, une première position à ce niveau 400 mètres. Au 1500 mètres, une troisième place. Et après ça, il a fait aussi une autre vague A. Ça, j'ai pas le résultat avec moi, par exemple. C'est pour ça que ça lui a coûté sa troisième place. Donc, il est arrivé quatrième. Puis, en même temps, je sais pas si c'est un record canadien, mais il a le meilleur temps de la compétition au niveau 400 mètres. Donc, j'ai hâte de voir le résultat qui va arriver. Ça se peut qu'il y ait un record canadien en même temps. Donc, c'est tout un petit peu par après. OK. Puis, aussi, on a un champion canadien aussi, Jesse Guérin, donc une note parfaite pour lui, 400, 1500 mètres et 200 mètres. Ça lui a permis d'avoir une médaille d'or, donc le premier rang. Donc, ça, c'est important dans notre région. Donc, on a monté plusieurs profondeurs dans chaque coin de notre région, un peu. Là. Ça, c'est intéressant pour moi, là, parce que ce que je vois. Bon, ben, c'est. Dis-moi, évidemment, donc ça clôturait la saison, j'imagine? Oui, c'était notre dernière compétition d'envergure dans l'année. Il reste le championnat québécois la semaine prochaine. Que moi, je participe moins. Les patineurs sont plus vieux un petit peu. Ils ont tout fait les championnats, ceux que je suis. Quoi qu'on va avoir des patineurs d'Alma et de Saint-Félicien aussi qui vont peut-être y participer. Là. Mais je crois qu'à Saint-Félicien, il va pas le seul patineur avec Jim, mais je vais avoir des nouvelles cette semaine. Okay. C'est vraiment notre dernière compétition, nous autres majeurs qu'on avait là cette année. Après, c'est le championnat québécois, comme je te parlais. Puis sinon, on commence cette saison morte. Donc, on tombe un peu comme les sages en arrêt en même temps. Donc, nous, dans notre départ, on arrête environ fin avril. Et on recommence, nous, au mois de juin, à l'entraînement, là, avec plein de changements dans le patinage de vitesse dans notre région. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Puis on va avoir une très belle saison quand même l'année prochaine. Okay. Est-ce que tu es content de l'année? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que t'es content de l'année dans l'ensemble? En général, moi, je pense que ce que j'ai aimé voir, c'est beaucoup les patineurs émergents. Okay. On avait des patineurs performants cette année qui étaient supposés de faire former. Je crois qu'ils l'ont bien fait. Mes patineurs émergents étaient beaucoup jeunes au niveau du lac Saint-Jean, que j'ai découvert à plusieurs petits coins. Un petit Bouchard d'Alma au Jeu du Québec, on a entendu parler. Un petit Alexandre Simard et son collègue Louis Moisan à Saint-Félicien. Et aussi un petit Bouchard aussi de Saint-Félicien. Un petit Simard de Saint-Félicien, excuse-moi. Qui est de Dolbeau, je veux dire, qui est très, très bon aussi, qui est en devenir un petit jeune patineur que j'ai découvert. Donc moi, pour moi, ça m'a permis de voir un peu là, la progression de chaque patineur, puis aussi les plus jeunes qu'on va avoir. L'année prochaine, on devrait avoir un centre beaucoup plus jeune. On va travailler beaucoup là-dessus. On a un nouvel entraîneur aussi qui s'en vient dans notre coin, là, qui est une super expérience. On travaille en collaboration ensemble. Un gars natif d'Alma, Rémi Beaulieu. Donc, il a fait des Coupes du Monde au Canadien. Il est parti à 17 ans, lui, de la région. Moi, j'ai patiné avec lui. C'est un collègue de patin quand on était plus jeune. Puis, il revient en région grâce à grâce à sa blonde qui est médecin. Donc, ça nous permet d'avoir patineurs qui reviennent en région. Fait que ça, plus. C'est le premier patineur d'envergure qui revient en région entraîner. Fait que pour nous autres, ça va être bien. Fait que lui, on se sépare la tâche à deux. Moi, ça va être beaucoup d'aide. Puis aussi pour les entraîneurs, les patineurs, tous les clubs puis les patineurs vont pouvoir en bénéficier en même temps. Donc ça, je suis très fier, je suis très content d'avoir ça. Pour lui, il va pouvoir s'occuper plus au niveau temps plein sur certains types d'entraînement au niveau de la structure à Chicoutimi. Puis en même temps, il va s'occuper de former les entraîneurs aussi de la région. Oui. Un peu là, avec mon aide. Là. C'est un petit domaine que j'avais moins que je ne pouvais pas travailler vu que je travaille en tant que pour la commission scolaire des Rives du Saguenay. Donc là, on va pouvoir compléter notre petit manque qui nous manquait dans la région. Puis j'ai bien hâte de voir. Puis aussi, on a l'Assemblée générale annuelle de la Fédération qui s'en vient à Saguenay là, autour du mois de mai. Donc ça, c'est super important pour nos règlements, un peu comme qu'est-ce qui s'en vient, nos galas aussi pour nos trophées récipiendaires pour la fédération. Donc les meilleurs patineurs, dont Samuel Girard, Cassandra Baradette, vont sûrement être intronisés d'autres patineurs ou entraîneurs qui étaient dans la région. Fait que ça, j'ai hâte de voir comment ça va arriver. On va avoir une belle